إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, aujourd'hui on commence, ou bien on fait la suite d'un cours qu'on a commencé déjà il y a un bon bout de temps, depuis plusieurs années, ça, en fait. J'avais commencé la première partie de ce cours et on n'avait jamais pu faire la suite. Et donc, étant donné que j'avais dit qu'on allait prendre le vendredi pour refaire des cours ou compléter des cours qu'on avait commencé mais qu'on n'avait jamais fini, donc j'ai pensé que ça aurait été bien de terminer ce cours là en particulier puisqu'il est, il est très intéressant et très bénéfique et très important aussi. Donc on va inshallah essayer de compléter ce cours là aujourd'hui bi'idhnillah. Donc c'est une conférence, comme j'avais dit dans la première partie, une conférence de Cheikh Saleh Al-Fawzan, qui est tiré de son livre, des livres Muhadarat fil Aqida wa Da'wa, des conférences au sujet de la Aqida et de la Da'wa, le volume 4, et c'est à la page 32, la conférence numéro 50. Et donc on était rendu à la page 37, donc dans la lecture de cette conférence. Et donc on va continuer la suite, c'est au sujet des nawaqid al-islam. Donc bien entendu c'est pas un détaillé, c'est pas une, comme le livre que le cheikh a fait, le sharh des 10 nawaqid qu'on a lu ensemble dans un autre cours. Là c'est un livre, disons une conférence plus résumée, mais ça donne une bonne idée quand même et ça fait, ça aide à comprendre certains principes. Donc le cheikh il dit ici wa huwa al-faqih hada huwa al-fiqh fa Hudhayfa ibn al-Yaman. Donc le cheikh il a lu le hadith de Hudhayfa, yushiku an tunqad, il mentionne la parole de Omar ibn al-Khattab, yushiku an tanqad aw tunqad urwa al-islam urwatan urwa idha nasha'a fi al-islam man lam ya'rif al-jahiliyya, wa yaqulu Hudhayfa ibn al-Yaman رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Donc ça c'est ce qu'on a lu à la fin du dernier cours, la parole d'Omar ibn al-Khattab, qui dit que le câble de l'islam ou l'anse de l'islam va s'effiler ou s'affaiblir branche par branche, fil par fil, jusqu'à ce tant que des gens grandiront dans l'islam sans avoir connu la jahiliya, sans avoir connu la période pré-islamique. Et la parole de Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu qui disait que les gens habituellement posaient des questions au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet du bien, au sujet des bonnes choses. Et moi je lui demandais au sujet des choses mauvaises, au sujet du mal, par crainte que le mal me touche, ou par crainte que je tombe dans le mal, ou quelque chose de ce genre. Donc ça c'est les deux citations qu'on avait mentionnées à la fin du dernier cours. Et le cheikh il dit ensuite, هذا هو الفقه فحذيفة بن اليمان صحابي جليل من خيرة الصحابة السابقين الأولين إلى الإسلام لا يأمن على نفسه لأنه لا يمكن أن يتجنب الشر إلا إذا عرفه لا يمكن أن يتجنب الشر إلا إذا عرفه ولهذا يقول الشاعر فعلى المسلم أن يسأل الله الثبات ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه من الفتنة التي وقع فيها كثير من الناس قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس لأن فتنة الأصنام عظيمة وهذا هو الذي كسر الأصنام وأوذي بسبب ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم محمد يقول يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك دونك الشيخ الإكسبليك الشيخ الفوزان حفظه الله الإكسبليك يقول حذيفة بن اليمان c'est un savant, c'est un des grands savants parmi les grands sahaba qui avait beaucoup de compréhension de l'islam, parmi les meilleurs d'entre ceux qui ont précédé à l'islam, parmi les premiers musulmans d'entre les sahaba, et même lui n'avait pas, yani ne se sentait pas en sécurité par rapport à lui-même, par rapport à sa religion. Il faisait des efforts pour connaître, pour poser des questions à propos du mal, parce qu'il avait peur lui-même de tomber dans le mal ou de que le mal le touche. Donc, c'est la preuve que peu importe le degré qu'on a dans la religion, le niveau de science, le niveau de connaissance, le niveau de compréhension, l'âge, il faut jamais se sentir en sécurité par rapport à ces choses-là, par rapport à la guidance, par rapport à son islam. Il faut toujours être alerte et faire attention et s'écarter du mal. Et comme le cheikh dit, il n'est pas possible de s'écarter du mal, excepté si on a connu le mal. Et le cheikh dit, et c'est pour cette raison que le poème dit, le poète dit, donc là il cite la parole du poète qui est عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه من لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. Donc il cite la parole de ce poète. Ici probablement c'est une erreur d'imprimerie parce qu'ils n'ont même pas mis le vers en question alors que pourtant c'est un vers qui est connu mais je pense qu'ils ont oublié de le mentionner dans le texte. Ensuite, le cheikh il mentionne, il dit que le musulman, donc, il doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le garder sur la fermeté. Et c'est pour ça que même le prophète, alayhi salam, le prophète Ibrahim, alayhi salam, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite son dua qu'il a fait, lorsqu'il est dans le verset, dans Surat Ibrahim, le verset 35. Lorsque Ibrahim alayhi salam il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'écarter lui ainsi que ses enfants de l'adoration des idoles. Et Ibrahim alayhi salam donc ça prouve qu'il avait peur pour lui-même de la fitna dans laquelle la plupart des hommes sont tombés, c'est-à-dire l'idolâtrie et l'adoration des idoles. Et il mentionne justement juste après le verset 36 dans la même sourate, sourate Ibrahim. Il dit Rabbi innahun adlalna kathiran min an-nas, c'est-à-dire oh mon Seigneur, ces idoles ont égaré beaucoup d'entre les hommes. Donc c'est pour dire que Ibrahim alayhi salam il ne se sent pas en sécurité de tomber dans ce genre d'erreur lui aussi, et ainsi que ses enfants. Donc il craint par rapport à cette fitna, parce qu'il sait que cette fitna c'est une fitna qui est grande. Et que l'égarement, c'est une fitna. Donc, ça vient de qui? Et c'est de la part de qui cette parole? C'est de la part de la personne qui a cassé les idoles lui-même. Et qui a été éprouvé à cause de ces idoles-là. C'est-à-dire qu'il a brisé les idoles avec sa propre main. Et il a été éprouvé par son peuple à cause de son action, donc. Ils ont voulu même essayer de le tuer et de le brûler vivant. Donc, malgré tout ça, malgré tout ce qu'il a fait pour casser les idoles, détruire le shirk, hein, combattre le shirk et appeler au tawhid, et bien malgré tout ça, il a peur et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le protéger, de le préserver, ainsi que ses enfants, contre l'adoration de ces idoles-là. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la même chose. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant: ô toi qui fais tourner les cœurs, et la vue, raffermis mon cœur sur ta religion. Raffermis mon cœur sur ta religion. Donc il demandait tout le temps à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir pour qu'il reste ferme sur la foi. Et le cheikh il dit ensuite: وقالت له عائشة رضي الله عنها أتخاف يا رسول الله؟ قال يا عائشة يا عائشة ما يؤمنني وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب عبد قلبه لا سيما في آخر الزمان إذا كثرت الفتن وكثرت الشرور وكثرت المغريات وكثرت الدعايات إلى الضلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة ابن اليمان في وصف قوم يأتون في آخر الزمان دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم إليها قذفوه فيها هؤلاء الدعاة لا يقولون للناس تعالوا إلى جهنم أو تعالوا إلى الكفر ولأنهم لو قالوا هذا ما استجاب لهم أحد لكن يقولون تعالوا إلى التقدم إلى الرقي وإلى الرقي وإلى الحضارة وإلى المغريات فيزينون للناس الشهوات والنار محفوفة بالشهوات بل يقولون لهم إن هذا هو الصحيح والصواب وما أنتم عليه خطأ وجمود ورجعية وتحجر يصفون الإسلام والمسلمين بهذه الأوصاف بأنهم جامدون متحجرون ومتأخرون عن ركب الأمم وعن الحضارة ويقولون عنهم إنهم إرهابيون ويخلعون عليهم من الأوصاف المنفرة ما يؤثر على ضعاف الإيمان وعلى الجهال فيستجيبون لهم ويلقونهم في جهنم فيزينون لهم الباطل ويجعلونه في صورة الحق ويجعلون الحق في صورة الباطل فيضل بسببهم كثير من الناس. Donc le cheikh il explique ici un point, il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette invocation et qu'il disait: ô Allah, toi qui fais tourner les cœurs et la vue, raffermis mon cœur sur ta religion, lorsqu'il faisait cette invocation là, Aïcha radiallahu anha lui demande: ô messager d'Allah, est-ce que tu as peur, est-ce que tu crains? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui répondait: ô Aïcha, Et qui peut me donner cette sécurité alors que les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts d'entre les doigts d'Ar-Rahman, et lorsqu'il veut les faire tourner, il tourne leur cœur, hein? Et en particulier vers la fin des temps, lorsque les tribulations et les épreuves sont nombreuses et que le mal est multiplié et qu'il y a beaucoup de tentations et de choses qui attirent les gens, et beaucoup de fausses prétentions, des gens qui appellent à des propagandes vers l'égarement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Hudhayfa en décrivant un peuple qui va venir, ou des gens qui vont venir vers la fin des temps et qui appellent aux portes de l'enfer, hein, ce sont des du'ats qui sont dans les portes de l'enfer et qui appellent les gens à rentrer ou à les suivre. Et lorsque les gens leur obéissent et répondent à leur appel, ils les poussent dans l'enfer, ils les jettent dans l'enfer. Comme c'est rapporté dans le hadith de Hudhayfa, et c'est rapporté par Al-Bukhari. Le cheikh il dit aussi ensuite que ces gens-là qui font cette da'wa vers les portes de l'enfer, ils ne disent pas aux gens: venez, on va vous amener à l'enfer. Hein? Lorsqu'ils invitent les gens ils ne vont pas voir les gens pour leur dire « Venez avec nous, on va vous amener à l'enfer. » Plutôt, ils utilisent toutes sortes d'autres ruses. Ils ne disent pas « Venez au coffre, venez à l'enfer. » Ils leur disent, par exemple, « Venez vers l'évolution, venez vers le modernisme. » Parce que s'ils disaient aux gens, par exemple, venez à l'enfer, venez à la mécréance et des choses de ce genre, eh bien, personne n'allait les écouter et personne n'allait répondre à leur appel. Mais en disant des choses comme ça, venez au modernisme, venez à l'évolution, venez à la civilisation, venez vers les divertissements et les choses qui attirent. Et donc, ils embellissent les désirs pour les gens. Et le cheikh lui dit que l'enfer, elle est entourée de plaisirs et de désirs et de passions. Et donc, ils disent aux gens, lorsqu'ils les appellent, ils disent, voici ce qui est correct, voici ce qui est bon, voici ce qui est vrai. Et vous êtes dans une erreur, et vous êtes dans l'immobilisme, vous êtes retardé, rétrograde. Et ils décrivent l'islam et les musulmans par ces caractéristiques-là. Ils disent, vous êtes vieux jeu, vous êtes ancien, vous retournez en arrière, vous voulez ramener les gens en arrière, vous voulez ramener les gens à l'âge de pierre, et des choses de ce genre. Donc vous êtes figé, vous êtes des gens de l'âge de pierre, vous voulez ramener les gens vers le passé, vous voulez les retenir. Vous voulez pas que les gens suivent les nations sur terre qui sont dans la civilisation et dans l'évolution. Et ils vont même dire aussi, qu'est-ce qu'on entend aussi dans les médias, vous êtes des terroristes. Et ils ramènent toutes sortes d'autres descriptions comme ça pour faire fuir les gens, parmi les gens qui ont une foi faible, parmi les gens qui sont ignorants. Et donc, étant donné qu'ils ont une foi faible, ou bien qu'ils sont ignorants, ou bien les deux, eh bien, ils répondent à ces appels-là. Et à cause de ça, ils se font jeter en enfer. Donc, ces gens-là, parmi les diables humains, ils leur embellissent le faux. Ils leur font voir le faux comme étant vrai, et ils leur font voir le vrai comme étant faux. Et c'est ça le malheur. C'est ça le malheur. Donc, Allah al-Musta'an. Et à cause de ça, beaucoup de gens s'égarent. Et à cause de ça, beaucoup de gens s'égarent. Et combien le cheikh dit, wa ma aktharu ad-du'ati ila ad-dalal al-yawm bi wasa'il al-i'lam al-mukhtalifa wa fi majalat kathira tasuddu 'an dinillah 'azza wa jalla ad-di'ayah ila ash-shirk wa ila al-kufr wa ila ash-shahawat wash-shubuhat حتى أصبح المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم القابض على دينه كالقابض على الجمر قال عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فمن دعاة الضلال من يزين الشرك للناس ويقول إنه محبة للأولياء والصالحين والذي لا يذبح للأموات ولا يطوف بقبورهم ولا يستغيث بهم فهذا يبغض الصالحين والأولياء يأتون من هذه الناحية والذي يدعوهم ويذبح لهم وينظر لهم هذا من المحبة لهم ولا يقول هذا عبادة لغير الله لأنه لو قال ذلك ما استجاب لهم إلا القليل من الناس ولكن يقول إن هذا من الدين ومن موالاة أولياء الله فالولي الفلاني له حرمة وله حق ومكانة ويستجيب لمن استغاث به أو ذبح له أو نذر له ويعطيه حوائجه فيزينون لهم كما كان إخوانهم من المشركين الذين بعث لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كما قال الله عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فيفسرون الشرك بأنه شفاعة عند الله وها هم مشركو عصرنا يفسرون الشرك بالقبور بأنه توسل إلى الله بأوليائه كما قال الذين من قبلهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Donc le Cheikh, Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله, il dit que et combien de gens ont été égarés à cause de ces gens qui appellent à l'égarement aujourd'hui dans les médias et dans les différentes formes de médias et dans plusieurs domaines. Ils obstruent les gens de la religion d'Allah et du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala avec des fausses propagandes et des appels au shirk et des appels au kufr et avec des shubuhat et avec des shahawat, avec des shahawat, des désirs, des passions illicites et avec des shubuhat, des doutes hein, et des ambiguïtés qu'ils ramènent dans la religion des gens pour les faire douter en leur religion. Et donc le croyant, il est devenu à notre époque comme ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décrit lorsqu'il a dit que vers la fin des temps, la personne qui va s'accrocher à sa religion, il sera comparable à celui qui s'accroche à un charbon, hein, quelque chose qui est en train de brûler, un charbon ardent ou incandescent. Et donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, même avant sa mort, il avertissait ses compagnons, il avertissait les sahaba, il leur disait, hein, un peu avant que Allah prenne son âme, sallallahu alayhi wa sallam, il disait que celui qui vit parmi vous verra beaucoup de divergences. Alors, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Accrochez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires et prenez garde aux inventions nouvelles dans la religion parce que toute chose inventée est une bid'a et toute bid'a est un égarement. Et le cheikh il dit que parmi les gens qui appellent à l'égarement, parmi ceux qui embellissent le shirk aux gens, hein, tu les trouves en train de dire que ça fait partie de l'amour des pieux et des saints, hein. Le shirk qu'ils font, quand ils appellent les gens à le faire, ils leur disent, hein, ça c'est quelque chose qui fait partie de l'amour des hommes pieux et le fait d'aimer les hommes pieux et les saints. Et donc, ils pensent que celui qui ne va pas égorger ou faire des sacrifices pour les morts ou de faire les tours autour de leur tombeau, hein, de faire le tawaf autour de leur tombeau, et ceux qui ne vont pas aller les appeler à l'aide ou au secours lorsqu'ils ont des moments de détresse en criant leur nom, c'est-à-dire en criant le nom de ces morts et de ces saints, ils disent ah, celui qui fait pas ça, hein, c'est-à-dire celui qui fait pas ce que nous on fait, ça veut dire qu'il aime pas les hommes pieux et les saints, ça veut dire qu'il déteste les hommes pieux et les saints, hein. Et ils rentrent chez eux avec cette shubha et c'est avec cette ruse-là qu'ils réussissent à les attraper. Hein, parce que personne n'aime se faire dire qu'il n'aime pas les hommes pieux. Hein, personne n'aime se faire dire qu'il n'aime pas les hommes pieux. Mais lorsque quelqu'un n'a pas suffisamment de connaissances ou de compréhension du tawhid et de la religion et qu'il entend ce genre de paroles, il risque de se faire attraper facilement. Hein, parce que personne n'aime se faire dire qu'il est contre les hommes pieux et les awliya et les salihin. Hein? Donc le cheikh il dit, et il dit celui qui les invoque, c'est-à-dire qui invoque les morts et qui prie les morts et les saints et qui font des sacrifices pour eux et qui demande des vœux pieux pour eux, hein, il leur demande des vœux pieux. C'est-à-dire ils vont leur demander d'exaucer des vœux pour eux ou des choses de ce genre, hein, en échange de certaines faveurs ou de certains actes d'adoration qu'ils vont faire pour ces hommes pieux-là ou des choses de ce genre, ou des sacrifices, ou des sadaqat, ou des choses comme ça. Donc ils demandent aux saints en disant, si tu me donnes telle ou telle chose, je vais venir égorger tel animal pour toi l'année prochaine, ou je veux faire telle sadaqa, ou je veux faire telle chose en échange de ce que tu fais, si tu demandes à Allah pour moi, ou tu fais ça pour moi, ou des choses de ce genre. Et ça, c'est du shirk, hein, parce que tu demandes à un mort, tu demandes à quelqu'un qui est dans sa tombe ce que seul Allah peut faire. Donc ça, c'est du shirk. Et ils disent que ça, c'est de l'amour pour les hommes pieux. Hein? Ils ne disent pas aux gens, ça, c'est d'adorer autre que Allah. S'ils disaient aux gens, ça, c'est du shirk, ça, c'est d'adorer autre que Allah, les gens allaient, peu de, y allaient, personne allait répondre, personne allait les écouter, excepté quelques individus qui aiment l'égarement. Mais sinon, s'ils disaient aux gens, ça, ce qu'on fait, nous, c'est du shirk, et on est en train d'adorer autre qu'Allah, là, les gens, ils auraient su, ils auraient tout de suite rejeté. Hein? Mais ils utilisent des ruses, et ils leur mélangent la vérité et le faux. Et ils leur disent, ça, c'est la religion. Hein? Ça fait partie de ces gens-là, sont les hommes pieux, les alliés d'Allah, les gens que Allah aime. Hein? Ce sont des hommes pieux, des saints. Hein? Et tel ou tel saint, il a son respect, il a son statut, il a son droit auprès d'Allah. Et si tu lui demandes, il va t'exaucer. Ou si tu sacrifies pour, si tu fais un sacrifice pour lui, il va t'exaucer. Si tu fais un vœu pour lui, il va t'exaucer. Il va te donner ce que tu lui demandes, hein, et des choses comme ça. Et donc, ils leur embellissent le shirk. Hein, je me souviens une fois même, j'ai rencontré un monsieur une fois quand j'étais au New Jersey. Il y avait un frère qui était un frère algérien qui était au New Jersey. Il travaillait dans une boucherie et son père était venu le visiter. Il était assis dans la mosquée et puis on commençait à discuter. Et puis juste au moment où on discutait, et puis il parlait il disait en Algérie, il y a les tombes des saints. Si tu vas à telle ou telle tombe, tu vas aller, quand tu sais quelqu'un est malade, tu vas aller à telle ou telle tombe de tel saint, et puis tu vas être guéri. Hein? Subhanallah. Et après, le pire, c'est qu'il disait, hein, et il m'a dit après, il dit, tu sais, ça marche, hein? Ça fonctionne. Hein? C'est comme si, subhanallah, en voulant dire, ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Si tu vas aller voir les tombes et les morts et les saints, tu vas leur demander, et puis tu vas être malade, il va te guérir, ça fonctionne. Comme si on voulait dire, on l'a déjà essayé, on l'a fait, hein, et ça marche. A'udhu billah. Donc, ils essaient de justifier le shirk et de rendre ces choses-là acceptables, soi-disant sous prétexte que ça fonctionne ou parce que ça marche. Hein, est-ce que le shirk devient halal parce que le soi-disant ça marche ou ça marche pas? Si t'invoques Allah et il te répond pas, ça marche pas, tu dis, ah, je veux pas adorer Allah, je veux adorer les saints parce que ça marche. Hein? Donc si c'était comme ça, a'udhu billah, ça c'est des exemples comment le shaitan réussit à égarer des hommes. Comment le shaitan réussit à égarer des hommes. Donc même si ça marchait, si Allah a dit que c'était interdit, si Allah a dit que c'était le plus grand des péchés, si Allah a dit que celui qui fait ça, il va brûler en enfer pour l'éternité, hein, est-ce que tu vas le faire quand même, alors que tu sais que c'est quelque chose que Allah déteste et que Allah a interdit, et que celui qui fait ce péché-là, il brûle en enfer pour l'éternité et qu'il n'a aucun espoir de pardon ou de miséricorde s'il meurt dans le shirk, hein? Donc ça c'est quelque chose de grave. Donc ça c'est des exemples de l'état dans lequel on voit certains musulmans aujourd'hui. Et donc le shaykh il dit ensuite, comment ils embellissent, hein, à leurs frères parmi comment ils embellissent. Oui, c'est ça. Voilà comment ils embellissent le faux et le shirk pour les gens, comme leurs frères parmi les mouchriquines à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, essayaient d'embellir le shirk eux aussi, comme c'est mentionné dans Surat Yunus, le verset 18. Hein, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il appelait les gens au tawhid, hein, il leur disait d'abandonner les idoles, Et Allah, il a révélé ce verset-là pour réfuter ce qu'ils faisaient comme shirk, hein, en disant que, parce qu'eux, ils disaient quand ils faisaient le shirk, qu'ils le faisaient juste pour avoir des intermédiaires, ou des, que, yani, ils prenaient des intercesseurs et des intermédiaires entre eux et Allah. Et c'était comme ça qu'ils justifiaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils disaient non, on ne fait pas le shirk, on fait que prendre des intercesseurs, des hommes pieux entre nous et Allah, et eux, ils nous rapprochent plus d'Allah. Donc aujourd'hui, les mushrikoun, ceux qui adorent les morts et les saints, hein, et qui se disent musulmans, ils utilisent la même shubha, et Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés dans ce verset-là, dans le Coran, le verset 18, dans Surat Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. Donc qu'est-ce qui peut ni leur nuire, ni leur profiter? C'est les morts, les hommes pieux, les saints qu'ils adorent, les statues, ou les idoles, ou les arbres, ou les pierres, ou les anges, ou toutes ces autres choses-là, ça ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. Et eux, ils adorent ces choses-là, et ils demandent à ces choses-là, à ces êtres-là. Hein? Donc Allah, il les a réfutés en disant, et ils disent, ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah. Hein? Donc ils réfutent leur shubha lorsqu'ils prétendent prendre des intermédiaires. Ensuite, le cheikh, il dit, « فَيُفَسِّرُونَ الشِّرْكَ بِأَنَّهُ شَفَاعَةٌ » Donc, ils interprètent le shirk en essayant de faire croire que c'est de faire l'intercession, de prendre des intercesseurs entre eux et Allah parmi les morts. Hein? Et les mushrikoun de notre époque, aujourd'hui, hein, lorsqu'ils adorent les tombes et qu'ils font le shirk avec les tombes, eh bien, ils disent la même chose que les mushrikines à l'époque du professeur sallam. Ils vont dire, non, ça c'est le tawassul. Hein? On cherche un moyen pour se rapprocher d'Allah en prenant ces hommes pieux ou en utilisant ces hommes pieux-là. Et c'est un moyen pour se rapprocher d'Allah. Hein? Pour eux, c'est ce qu'ils appellent tawassul. Donc au lieu de dire on fait le shirk, ils essaient de trouver un nom, un autre mot que les gens ne connaissent pas, hein, et qui semble être bon ou être bien, hein, être correct, et ils l'appellent par ce nom-là. Et ils l'appellent le shirk par ce nom-là. Donc, au lieu de dire, nous, on fait le shirk, non, ils vont dire, non, on ne fait pas le shirk, on fait le tawassul. Hein? C'est-à-dire, on prend un moyen pour se rapprocher d'Allah en utilisant les hommes pieux. Alors que c'est la même chose, puisque les mushrikoun à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait, comme c'est mentionné dans Surat Az-Zumar, le verset 3, « Ma na'abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa » Donc il disait, on ne les adore que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Donc ils pensent que les hommes pieux, étant donné qu'ils sont plus rapprochés d'Allah, peuvent, hein, les aider à se rapprocher d'Allah. Hein? Et donc c'est ça la base de leur shirk. Et ce qu'ils faisaient aujourd'hui, c'est la même chose que ce qu'ils faisaient à l'époque comme shirk, c'était exactement la même chose que certains aujourd'hui, parmi les gens qui se disent musulmans, sont en train de faire. Lorsqu'ils adorent les tombes. Le cheikh il dit ensuite, fal fitnatu azima. Wa qad qala sallallahu alayhi wa sallam, badiru bil a'mal fitanan ka qit'il layl al muslim. Fitanan ka qit'il layl al muslim, yusbihu ar rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran wa yabi'u dinahu bi gharadin min ad dunya. Subhanallah. Donc le cheikh il dit, la fitna elle est grande, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, précipitez-vous, hein, dépêchez-vous à faire les œuvres, hein, parce qu'il va y avoir des épreuves, des tribulations, hein, qui vont être comme des tranches de ténèbres dans la nuit ténébreuse, comme si c'était des tranches de ténèbres. Hein, des morceaux de ténèbres sombres et noires de la nuit dans lequel l'homme va se lever ou va se réveiller le matin croyant et il va se coucher mécréant, et dans lequel il va être croyant le soir et il va se réveiller mécréant le matin, et il vendra sa religion pour un petit intérêt de la dunya ou pour quelque chose de la dunya. Subhanallah. Le cheikh il dit, إذا كثرت الفتن وتنوعت اشتد الخطر على أهل الإيمان، لأن الفتن تلتبس على كثير من الناس، خصوصا الجهال الذين ليس عندهم معرفة بالحق والباطل، فيقبلون هذه المغريات والدعايات التي تصرفهم عن دين الله عز وجل. ويقول والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دونك الشيخ الذي Cheikh il mentionne, il dit donc, lorsqu'il y a beaucoup de différentes sortes de fitna, hein, différentes fitanes, et que ces différentes fitanes, elles sont diversifiées, elles sont de différentes catégories, différentes sortes, et qu'il y en a de plus en plus, ça devient quelque chose qui est très dangereux, et le danger devient plus grand, en particulier pour les musulmans ignorants. La fitna, elle est grande pour les musulmans en général, mais pour le musulman qui est ignorant et qui n'a pas étudié sa religion comme il faut, eh bien, la fitna devient encore plus grande. Hein? La fitna pour lui devient encore plus grande. Et donc, c'est important vraiment de se préserver en augmentant notre connaissance de la vérité, parce que sinon, yani celui qui n'est pas capable de distinguer entre la vérité et le faux, eh bien, il va facilement accepter ces tentations-là, ces fausses propagandes qui vont le faire se détourner de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il dit, yani dans le verset, dans Surat Al-Imran, le verset 102, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il mérite d'être craint, et ne mourrez qu'en étant musulman. » Donc ça, c'est les exemples de qu'est-ce que le cheikh il donne comme conseil pour les croyants, pour que les croyants puissent justement se préserver eux-mêmes et éviter de tomber dans l'égarement et les différentes fitanes qui existent. Et on sait qu'aujourd'hui les fitanes sont nombreuses, et que celui qui ne cherche pas à se protéger en cherchant la science et la compréhension, il risque facilement de s'égarer. Ensuite, donc, le cheikh, il dit, il cite un long verset dans Surat Al-An'am, et en premier, il cite un verset dans Surat Al-Baqarah, verset 132, puis après, il cite le verset 150 à 153, dans Surat Al-An'am. Donc le cheikh il dit: قال إبراهيم لإسحاق ويعقوب عليهما السلام ولذريتهما ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإبراهيم وصى بوصية الله سبحانه وتعالى التي وصى بها الخلق في قوله تعالى: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون كرر الوصية ثلاث مرات. Donc le cheikh il commence en lisant premièrement le verset 132 dans sourate al-Baqara en disant que Ibrahim alayhi salam il a donné à Ishaq et à Yaqub qui sont ses deux fils et à leurs enfants aussi des conseils à suivre des commandements à suivre et il, donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc ce qui signifie que Ibrahim il a donné comme commandement et comme conseil à ses fils et à Yaqub et à ses ô mes fils, Allah a choisi pour vous la religion, c'est-à-dire il a choisi l'islam. Alors ne mourrez qu'en étant musulman, c'est-à-dire faites l'effort d'essayer de préserver votre religion, l'islam, jusqu'à la mort, et de rester sur l'islam jusqu'à la mort. Et il mentionne ensuite les versets 150 à 153 dans Sourat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Amenez vos témoins qui attesteraient qu'Allah a interdit cela. Si ensuite ils témoignent, alors toi ne témoigne pas avec eux et ne suis pas les passions de ceux qui traitent de mensonges nos versets et qui ne croient pas en l'au-delà, tandis qu'ils donnent des égaux à leur Seigneur. Et dit « Venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. » Ne lui associez rien, ne faites pas le shirk avec lui, et soyez bienfaisants envers vos pères et mères, et ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes, ouvertement ou en cachette. Ne tuez qu'en justice la vie qu'Allah a faite sacrée. C'est-à-dire ne prenez pas une vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf pour une cause de justice. Voilà ce qu'Allah vous a recommandé de faire, pour peut-être comprendrez-vous. Et ne vous approchez pas des biens de l'orphelin de la plus belle manière, excepté de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'ils aient atteint la majorité. Et donnez la juste mesure et le bon poids en toute justice, lorsque vous pesez des biens lorsque vous vendez des marchandises. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez juste, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. Et remplissez votre engagement envers Allah. Voilà ce qu'il vous enjoint. Peut-être vous rappellerez-vous. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et voilà mon droit chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie, voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc le verset, voilà ce qu'il vous enjoint, il le répète plusieurs fois dans ces versets-là, il le répète trois fois, voilà ce qu'il vous enjoint, voilà ce qu'il vous enjoint. Voilà ce qu'il vous enjoint. Donc, zalikum wassakum. Wassakum, c'est-à-dire qu'il vous donne une wasiya. Il vous donne une wasiya, c'est-à-dire qu'il vous donne des règles, des commandements, des conseils à suivre. Et il le répète trois fois. Le cheikh il dit, وَهَذِهِ الْوَصَيَا الْعَشْرِ أَلَّتِي أَوْصَى اللَّهُ بِهَا كُلُّهَا مِنْ خِصَالِ الْإِسْلَامِ وَأَوَّلُهَا التَّوْحِيدِ وهي أيضا وصية جميع الأنبياء لأممهم ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات الثلاث. Donc le cheikh il dit que c'est voilà les 10 commandements que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de respecter. Ils font tous partie des caractéristiques et des principes de l'islam. Et le premier de ces commandements-là, c'est le tawhid, c'est l'unicité d'Allah. Et également, il y a yani les commandements, c'est un commandement pour tous les prophètes en premier, ce sont des commandements pour tous les prophètes et pour leur peuple. Et c'est pour ça qu'Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, celui qui veut regarder les commandements ou les choses que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de respecter, alors qu'il récite ces versets-là, ces trois versets, ce sont les trois versets dans Surat Al-An'am, de 150 à 153. Ce sont les commandements que nous, les musulmans, devons suivre et respecter. Bien entendu, il y en a beaucoup d'autres commandements, mais ça, c'est parmi les plus importants de la religion. أيها الإخوة نواقض الإسلام كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله ذكرها العلماء رحمهم الله في كتب مفردة وضمن كتب الفقه عقدوا بابا سموه باب حكم المرتد. المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه أي يرتد عن الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، وهذه هي أنواع الردة. على سبيل الإجمال قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالردة بالقول هو أن يتكلم بكلام الشرك وكلام الكفر وكلام الكفر مازحا أو جادا إلا المكره. قال تعالى: ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. وقال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc le cheikh il explique, il dit: oh vous mes frères, les choses qui annulent l'islam sont nombreuses, et les ulama, les savants, les ont mentionnées dans des livres séparés, dans les livres séparés sur ce sujet-là. Et on retrouve également des explications sur ce sujet, c'est-à-dire sur ce qui annule l'islam, dans des livres de fiqh, dans des chapitres qui s'intitulent le chapitre au sujet du verdict de l'apostat. Et l'apostat, en arabe, on dit al-murtad, c'est celui qui a rejeté la foi après avoir cru en l'islam. C'est-à-dire, il est revenu de son islam par une parole, par une action, par une croyance ou par un doute. Et ces catégories-là font partie des catégories de l'apostasie et de façon générale. Donc, ça c'est de façon générale, on peut dire que quelqu'un peut apostasier de l'islam par une de ces quatre choses-là. Soit par une parole, ou par une action, ou par une croyance, ou par un doute. Ok? Donc, le cheikh dit ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui change sa religion, alors tuez-le. Donc, c'est pour dire que dans l'islam, il y a une punition ou une peine qui a été établie par rapport à l'apostasie. Et cette peine, c'est la mort, c'est l'exécution. Que la personne, dans un pays musulman, sera jugée et elle sera appelée à se repentir et à revenir à l'islam. Mais si la personne persiste dans la mécréance, hein, ou à nier des choses qui font partie de l'islam, ou à croire en une fausse croyance, ou à dire des paroles de kouf, ou à faire des actes de shirk et de kouf. Donc si elle persiste après avoir vu les preuves et après que les juges musulmans dans les tribunaux musulmans, dans les pays musulmans, et après que on ait jugé ces personnes, les personnes qui ont dit ou commis ces actions-là ou dit ces paroles-là, persistent à les faire et refusent de se repentir, eh bien, après ça, ils seront exécutés par le dirigeant musulman dans ces pays-là. Hein? Et ça, ça ne fait pas partie de la contrainte, de contrainte des gens, comme certains qui disent, ça c'est de contraindre quelqu'un à la foi, parce qu'il y en a qui utilisent le verset « La ikraha fid din », pas de contrainte en religion, donc ils utilisent ce verset-là pour essayer de dire que ça fait partie de la contrainte, donc on n'a pas le droit de contraindre quelqu'un à la foi. Et ce verset-là ne s'applique pas, puisque ce sont des musulmans, on n'a pas forcé quelqu'un à être musulman, on appelle quelqu'un à accepter les principes qu'il a lui-même reconnus, et en même temps aussi c'est pour préserver et protéger la croyance de l'islam. C'est pas pour contraindre quelqu'un à l'islam, mais c'est pour protéger et préserver la aqida des gens, hein, pour faire comprendre aux gens que la religion et la foi, c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère ou un jeu, hein, que tu changes de croyance ou de religion comme tu changes de chemise, hein, puis ça devient comme un jeu la religion. Donc il faut comprendre que ça c'est quelque chose, c'est une question de vie ou de mort, hein, c'est une question sérieuse. Aujourd'hui dans les sociétés de kufr, dans les pays laïcs par exemple, la religion c'est la plus dénigrée de toutes les choses, et c'est la chose la moins importante pour les gens, dans le sens que pour eux, tu peux changer de religion comme tu changes de chemise. Hein, mais pourtant, il y a d'autres choses qui sont complètement ridicules et complètement, qui n'ont pas toute l'importance que la foi peut avoir. Hein, c'est-à-dire que ça n'a aucun poids parce que c'est pas des choses qui sont importantes pour quelqu'un au jour de la résurrection. Et pourtant, ils mettent ces choses-là comme si c'était les priorités de la vie, les buts absolus de leur existence. Et pour ces choses-là, ils vont même punir parfois de vie ou de mort déjà. Hein? Comme quand vous regardez par exemple dans les systèmes ou dans les pays non musulmans, et vous regardez dans les codes pénals ou dans les codes les punitions qu'ils ont établies, puis regardez par exemple qu'est-ce qu'ils appellent le crime de haute trahison ou des choses comme ça, dans lesquels ils vont tuer quelqu'un, non pas parce qu'il a rejeté la foi en Dieu, non pas parce qu'il a rejeté la foi en le tawhid d'Allah ou des choses comme ça, non, pour des choses de la dunya ou pour un être humain, hein, ou pour un système ou pour un drapeau ou des choses de ce genre. Hein? Donc ça c'est pour montrer comment les choses de la foi et de la religion, ça n'a plus d'importance pour eux. Quelqu'un peut adorer une vache, un singe, peut adorer des images, même n'importe quoi, hein, même le diable, même la religion qui maintenant ils considèrent comme le satanisme, que c'est une religion comme les autres, et que ceux qui sont satanistes ont autant le droit de pratiquer leur religion que n'importe quelle autre. Hein, donc pour eux, l'islam, le satanisme, le christianisme, le bouddhisme, et toutes les religions sont équivalentes. C'est-à-dire pour eux, le shirk et le tawhid, c'est pareil. Le kufr et l'iman, pour eux, c'est au même degré. Il n'y a pas de différence. Hein? Donc ça c'est l'égarement, et c'est ça le système de la laïcité, et c'est ça le système de la démocratie, et c'est ça le kufr, c'est ça ce qu'ils veulent, mettre le kufr au-dessus même du tawhid, mettre le shirk au-dessus même du tawhid, et dénigrer la foi, et rabaisser la foi. Donc le cheikh il mentionne un autre hadith aussi qui prouve le principe qu'il n'est pas permis de prendre le sang d'un musulman qui témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est son messager, excepté pour un des trois points suivants ou trois choses suivantes, c'est-à-dire la personne qui est mariée et qui commet l'adultère, c'est-à-dire qui a des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre en dehors de son mariage. Donc celui-là, il est lapidé. C'est ça la peine dans l'islam pour quelqu'un qui fait ça. Le deuxième, c'est une âme pour une âme. C'est-à-dire, si quelqu'un a commis un meurtre, intentionnellement, qu'il a tué quelqu'un, eh bien, la peine dans l'islam, c'est qu'il sera exécuté lui aussi. Donc, c'est la peine de mort. Et le troisième exemple, c'est At-tariqu li dinihi al-mufariqu lil jama'a. Donc, celui qui abandonne sa religion et qui se sépare de la jama'a. Tous ces principes-là sont clairs, ils sont connus. Et même dans la Bible, chez les chrétiens, ou chez les juifs, dans l'Ancien Testament, il y a des versets dans leurs livres qui parlent des gens qui abandonnent la foi, qui commettent l'idolâtrie, qui tombent dans l'idolâtrie, que ce soit des individus ou des villes, des gens d'une ville qui tombent dans l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'ils doivent subir comme punition et comme châtiment? Tout ça, c'est mentionné dans le livre des Juifs et des Chrétiens. Et lorsque vous lisez ces descriptions-là, vous allez être étonné. Même j'ai écrit un document à ce sujet-là, les versets que les Juifs et les Chrétiens ont oubliés dans leur livre, et je l'ai mis sur mon site. Donc, si vous retournez sur le site Salafi de Montréal, vous retournez au document ce que les Juifs et les versets oubliés par les Juifs et les Chrétiens, vous allez voir les exemples de ça très clairement. Donc pour eux, l'anathème, l'apostasie, tout ça, c'est des principes qui existent même dans leur livre à eux. Le cheikh il dit ensuite, فَالْرِدَّ بِالْقَوْلِ هُوَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلَامِ الشِّرْكِ وَكَلَامِ الْكُفْرِ مَازِحًا أَوْ جَادًا. Donc le cheikh il dit que l'apostasie par la parole, c'est que quelqu'un disent une parole de shirk, disent une parole de shirk ou de kufr. Par exemple, quelqu'un qui dit par exemple Dieu est trois en un, il croit en la Trinité. Ça c'est une forme de shirk par la parole. Ou bien quelqu'un qui dit par exemple que Dieu a un fils, il attribue à Allah subhanahu wa ta'ala un fils, ou des filles, ou des choses de ce genre. Donc tout ça c'est des exemples de shirk par la parole. Ou qui fait des du'as à autre que Allah, il invoque des morts, il invoque des saints, ou il prie à une idole, ou une statue, tout ça c'est des exemples de shirk par la parole. Également, donc le cheikh il mentionne tout ça comme exemple, ou qui insulte la religion, ou qui se moque de la religion, ou qui insulte Allah, ou qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui insulte quelque chose qui a rapport avec la sunna, ou qui insulte les croyants par rapport au fait qu'ils pratiquent l'islam, ou des choses comme ça. Tout ça, c'est des formes d'apostasie. Et le cheikh, il dit, celui qui dit ces paroles de kofre ou de shirk, qu'il soit sérieux, ou qu'il soit en train de plaisanter, eh bien, cette personne-là, elle a commis, qu'est-ce qui est kofre ou shirk. Donc, ça veut dire, il va sortir de la foi, sauf si la personne, elle a été contrainte à le dire, comme quelqu'un. Quelqu'un qui a été forcé, par exemple. Et le cheikh, il mentionne donc les versets dans Surat al-Tawbah et les versets dans Surat al-Nahl. Dans Surat al-Nahl, le verset 106 à 109. Et dans Surat al-Tawbah, c'est les versets 65 et 66. Donc, on va lire ensemble les explications qui sont mentionnées dans ces versets-là. Dans les versets 105 et 106 dans Surat al-Nahl, est-ce que c'est 105 à 106? Non, c'est 105 à 109. Aynam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: seuls forgent le mensonge ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, et tels sont les menteurs. Quiconque a renié, c'est-à-dire il a commis le kufr, avec, il a commis le kufr il a renié Allah après avoir cru, excepté celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de sérénité de la foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là auront sur eux la colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Il en est ainsi parce qu'ils ont aimé la vie d'ici-bas plus que l'au-delà. Et Allah vraiment ne guide pas les gens mécréants. Voilà ceux dont Allah a scellé les cœurs, lui, et les yeux, ce sont eux les insouciants. Et nul doute que dans l'au-delà, ils seront les perdants. Et le verset dans Surat At-Tawba, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si tu leur demandais, ils diraient, si tu leur demandais à propos de ce qu'ils ont dit, comme parole de moquerie ou de coffre à propos de la religion, il dirait, nous ne faisions que jouer ou nous plaisanter ou nous amuser. Dit, est-ce d'Allah, de ses signes et de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Donc ces versets-là viennent nous faire comprendre que yani, on ne peut pas se moquer de la religion. On ne peut pas prendre la religion comme un sujet de plaisanterie. Et que c'est une chose qui constitue une forme de mécréance. Le cheikh il dit ensuite, وَقَدْ كَانُوا وَكَانُوا قَدْ قَالُوا فِي النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مُحَمَّدْ وَأَصْحَابَهُ مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنَا هَؤُلَاءِ أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء فقد كفروا بقولهم هذا ولم يعذرهم الله بالمزح لأن الدين ليس فيه لعب أو مزح فهو دين جد وحق وكذلك الذي يستغيث بغير الله من الأموات كقوله يا فلان يا ولي الله اقضي حاجتي أو رد غائبي أو اشف مريضي فهذا بقوله ذلك أشرك بالله الشرك الأكبر وهذه هي الردة بالقول. Donc, le Cheikh il dit par exemple que ceux que Allah a mentionné dans Surat At-Tawbah, le verset 65 à 66, et que Allah a dit à leur sujet, ne vous excusez point, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Le Cheikh il dit que c'est des gens qui avaient dit à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons qu'ils n'avaient jamais vu de gens qui il parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Il dit on n'a jamais vu de langue plus menteuse, de ventre plus gourmand et de gens plus peureux lors de la rencontre de l'ennemi. Donc ils ont dit cette parole-là, et à cause de ça, ils ont mécru en l'islam, ils ont mécru en la foi, ils ont rejeté la foi en Allah. Et Allah ne leur a pas excusé du fait qu'ils plaisantaient, ou qu'ils disaient ça pour rire, même si c'était pas vrai, même s'ils ne le pensaient pas vraiment dans leur cœur. Parce que la religion, il n'y a pas Dieu là-dedans, c'est pas pour plaisanter, c'est pas une plaisanterie. Et c'est quelque chose de sérieux, et c'est quelque chose de véridique. Donc, le Cheikh il dit de même que la personne qui appelle au secours autre que Allah parmi les morts, et il demande à un mort, ou un tel, il s'adresse à un saint ou un wali, comme les soufis par exemple, quand ils prient Abdul Qadir ou Rifa'i, ou bien Al-Badawi, ou bien les Shia quand ils adorent Al-Hassan et Al-Hussein et Ali, quand ils demandent à ces gens-là, au lieu de demander à Allah, ils demandent à des morts. Ils appellent « Oh, toi le Saint, oh toi un tel, remplis mon besoin, recherche ce que j'ai perdu, ou la chose que j'ai perdue, ou la personne qui est perdue, retrouve-la pour moi, ou bien guéris mon malade, ou des choses de ce genre, qui sont des formes de shirk majeures. Et donc ça fait partie de l'apostasie par la parole. Le cheikh dit amma ar-riddatu bil fi'l ka an yasjud li ghayri Allah ou yasbah li ghayri Allah فهذا كفر مخرج من الملة وكذلك تكون الردة بالترك كترك الصلاة متعمدا قال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فإن لم يصلي فليس من إخواننا في الدين قال تعالى عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وهؤلاء كفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فقرن ترك الصلاة مع التكذيب والتكذيب كفر بالإجماع كذلك ترك الصلاة ومن نواقض donc le cheikh il mentionne des actions qui sont des formes d'apostasie. Il donne comme exemple le fait de se prosterner à autre que Allah, hein, ou bien le fait de dégorger ou de sacrifier un animal pour autre que Allah. Ça, c'est des formes de coffres qui font sortir de la religion. Hein, de même que l'apostasie peut être par le fait d'abandonner la salat volontairement. Comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a rapporté dans Sahih Muslim lorsqu'il dit qu'entre le serviteur et le kufr, il y a l'abandon de la salat. Et dans le hadith rapporté par Tirmidhi, l'entente ou le pacte qu'il y a entre eux et nous, c'est la salat. Et celui qui l'abandonne, alors il a certes mécru. Et il mentionne le verset 11 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et s'ils se sont repentis du shirk, c'est-à-dire ils ont cessé de faire le shirk en parlant des mushrikines, et qu'ils ont établi la salat et qu'ils ont donné la zakat, alors dans ce cas-là, ils sont vos frères en religion. » Et le cheikh, il commente ce verset-là en disant « Et s'ils n'ont pas établi la salat, dans ce cas-là, ils ne seront pas vos frères en religion, donc la preuve qu'ils ne sont pas musulmans s'ils n'ont pas établi la salat. » Ensuite, il mentionne à propos des kuffars dans le verset 42 et 43 dans Surat Al-Muddathir, Allah subhanahu wa ta'ala dit lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va leur poser la question aux gens qui seront dans l'enfer, Allah va leur poser la question qu'est-ce qui vous a jeté dans la fournaise, qu'est-ce qui vous a jeté dans le feu de Saqar, ils vont répondre nous ne faisions pas partie des gens qui prient. Hein? Et donc le cheikh dit cela, donc son kuffar et l'intercesseur des intercesseurs, l'intercession des intercesseurs ne leur sera pas bénéfique. فَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Juste après ce verset-là, Allah mentionne, alors l'intercession des intercesseurs ne leur sera pas bénéfique. Il mentionne ensuite le verset 31 et 32 dans Surat Al-Qiyamah. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّ. Il n'a pas donné de sadaqa, il n'a pas payé la zakat, il n'a pas fait la salat, mais il a traité de mensonge et il s'est détourné. Le cheikh, il dit ici dans ce verset, le fait de traiter la vérité de mensonge a été associé à l'abandon de la salat. Et le rejet ou le reniement de la vérité, c'est une forme de mécréance selon le consensus des musulmans, de même que d'abandonner la salat. Hein, de même que d'abandonner la salat. Et il y a d'autres formes aussi de kufr par l'action que le cheikh n'a pas mentionné, comme par exemple si quelqu'un, il marche sur le mushaf intentionnellement, ou il jette le mushaf dans les choses impures ou dans les saletés, dans la poubelle, des choses comme ça, intentionnellement. Donc quelqu'un qui fait ça, c'est sûr que ça aussi c'est considéré comme des actes de kufr. Ensuite, le cheikh il dit, maintenant il va mentionner des exemples de kufr parlés par le cœur. ومن نواقض الإسلام ومن نواقض الإسلام الردة بالقلب وإن صلى وصام ونطق بالشهادتين وتظاهر بالقول الطيب وبالفعل الطيب ولكن قلبه منكر أو منكر فهذا كافر ومنافق قال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار وهم يصلون ويصومون ويحجون بل يجاهدون بل ويجاهدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكرون الله قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. Donc le cheikh il dit que parmi les formes de parmi les choses qui annulent l'islam, il y a le fait d'apostasier par le cœur. Même si la personne elle fait la salat et elle jeûne le ramadan et elle dit le shahadatayn, elle dit ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammad rasulullah, même si elle montre qu'elle dit une bonne parole, qu'elle fait des bonnes actions, malgré ça dans son cœur elle rejette la foi, hein, ou elle croit en des croyances qui sont kufr ou shirk dans son cœur, alors dans ce cas-là cette personne-là c'est une personne qui est mécréant et hypocrite. Comme Allah il dit dans le verset 11 dans sourate Al-Fath, ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur, c'est-à-dire ils disent le contraire de la vérité de ce qu'ils croient dans leur cœur. Et les hypocrites sont dans le plus bas niveau de l'enfer. Malgré que ce sont des mécréants et qu'ils seront dans le plus bas degré de l'enfer, Eh bien, tu les vois, ils font la prière, ils font le jeûne, ils font le hajj, ils font même le djihad à l'époque, ils faisaient même le djihad avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ils faisaient le dhikr, ils se souvenaient d'Allah, et malgré tout, c'était des munafiqin, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas en Allah, ils ne croient pas en l'islam, ou bien ils croient au shirk, ils sont d'accord avec le shirk et le kufr, et ils se disent musulmans. Et il mentionne le verset de 1 à 3 dans sourate Al-Munafiqun. Allah subhanahu wa ta'ala dit lorsque viennent à toi les hypocrites, ils disent nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Allah certes sait que tu es son messager, et Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs. Ils ont pris leur témoignage de la foi comme un bouclier pour obstruer le chemin d'Allah, et comme est mauvais ce qu'ils font. Et cela parce qu'ils ont cru et ensuite ils ont mécru et leur cœur a été scellé. Le cheikh il mentionne maintenant une autre catégorie. Ça c'est des exemples de kufr par le cœur, mais il y a beaucoup d'exemples à donner, mais il fait un résumé. Et il dit ensuite les catégories de ridda, d'apostasie par le doute. Il dit وكذلك من انواع الردة الشك وهو التردد فلو شك بقلبه مثلا هل الرسول صادق ام لا هل صحيح انه لا رب غير الله سبحانه وتعالى فيشك بقلبه في التوحيد او في صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم او في صحة احاديثه وهو الذي قال عز وجل عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهذا كافر بالله عز وجل حتى وإن عمل بالأعمال الحسنة كلها يقول سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهؤلاء الذين في قلوبهم شك قال الله عز وجل عنهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فهم في ريبهم يترددون وهذه الأنواع الخمسة أنواع الردة هي أصول نواقض الإسلام ويتفرع عن هذه الأصول خصال كثيرة من خصال الردة منها. Donc le cheikh il dit de même qu'il y a une forme d'apostasie qui est le doute, c'est-à-dire que quelqu'un dans son cœur il hésite, par rapport à sa foi, par exemple, est-ce que le messager est vrai ou non? Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de Seigneur excepté Allah ou non? il doute dans son cœur au sujet du tawhid ou au sujet de la véracité du message du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou au sujet de la véracité des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à son sujet, il ne parle pas selon la passion, c'est uniquement une révélation qui lui a été révélée. Le verset 3 et 4 dans surat al-Najm. Donc celui qui a ce genre de doute, eh bien il est mécréant, il a rejeté la foi en Allah, même s'il fait toutes les bonnes œuvres. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 7 dans surat al-Hashr, ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Donc ceux qui ont un doute dans leur cœur, Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet, dans surat al-Baqarah, le verset 10, dans leur cœur, il y a un doute, hein, plutôt il y a une maladie, et cette maladie, c'est le doute. Hein. Donc, dans leur cœur, il y a une maladie, et Allah fait augmenter ou fait croître leur maladie, et ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Alors, ils continuent ou ils persistent dans leur doute, hein. Et ils continuent à être hésitants dans leurs doutes. Et donc, qu'est-ce qu'on vient de mentionner? Les différentes formes de ridda, d'apostasie. L'apostasie par la parole, l'apostasie par yani l'action, l'apostasie par le cœur, l'apostasie par le doute. le cheikh dit c'est les formes d'apostasie qui sont à la base des choses qui annulent l'islam de quelqu'un. Et de ces bases-là, on peut peuvent découler d'autres caractéristiques qui sont très nombreuses. Donc, il va mentionner ou énumérer quelques-unes d'entre ces exemples. Premièrement, الشرك بالله عز وجل فمن ذبح أو نذر لغير الله كالجن والشياطين والشياطين من أجل أن يسلم من شرهم فقد ارتد عن الإسلام وهذا شرك أكبر يخرج من الملة. Donc la première exemple c'est le shirk avec Allah, celui qui par exemple fait des sacrifices ou qu'il fait des vœux pour autre que Allah, comme pour les djinns, pour les diables, parce que il veut être sauvé de leur mal ou protégé de leur mal, et il sacrifie pour autre que Allah ou il fait une adoration pour autre que Allah pour se protéger d'eux. Ça, c'est quelqu'un qui a apostasié de l'islam. Et ça, c'est une forme de shirk majeur qui fait quitter la religion. Ensuite, le shirk, il mentionne al-sihr, c'est-à-dire la sorcellerie. Wa huwa naw'un min anwa' ar-ridda, ta'allumuhu wa ta'limuhu, wa isti'maluhu kufrun billahi 'azza wa jalla yukhrij min al-millah, li'ann as-sahir la yatawassalu ila sihrihi illa bi istikhdam ash-shayatin wa at-taqarrub ilayhim. قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي من اشترى السحر فليس له نصيب في الجنة فدل ذلك على أن الساحر كافر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الساحر في قوله حد الساحر ضربة بالسيف فهو يقتل ولا يستتاب وكتب عمر رضي الله عنه إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة وأمرت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقتل جارية لها سحرتها فقتلت وقتل الجندب بن كعب رضي الله عنه ساحرا كان يتظاهر عند الناس بأنه يقتل الشخص ثم يعيد رأسه إليه فيحييه لأنه يلقي على أعينهم قمرة فيقتله الجندب بالسيف قال إن كان صادقا فليحيي نفسه فأبطل الله سحره. Donc le cheikh il mentionne parmi les exemples d'apostasie il y a la sorcellerie. Et qu'est-ce qui fait partie de l'apostasie ou de la mécréance à propos de la sorcellerie? C'est pas seulement de la pratiquer, mais même de l'apprendre ou de l'enseigner ou de l'utiliser, hein, ou de demander à quelqu'un de le faire pour soi. Tout ça, ça fait partie de qu'est-ce qui fait sortir quelqu'un de l'islam. Le cheikh, il dit, parce que le sorcier, il n'arrive à faire sa sorcellerie que par l'utilisation des diables, hein, et en se rapprochant d'eux, en leur faisant des adorations ou en faisant une forme de kouf quelconque. Et donc, il mentionne le verset 102 dans Surat al-Baqarah, hein, et certes, ce n'est pas Suleyman qui a mécru, mais ce sont les diables qui ont mécru. Ils enseignent aux gens la sorcellerie, hein, et la magie. Et ce qui a été, révélé par les deux anges à Babylone, l'ange Harout et Marout, et ils n'enseignaient à personne tant qu'ils ne leur avaient pas averti. Hein, nous ne sommes qu'une épreuve. Alors ne tombez pas dans la mécréance. Hein, donc ils les avertissaient que si vous apprenez ça, hein, vous allez tomber dans la mécréance et que vous n'allez pas avoir de place dans l'au-delà. Donc ils apprenaient de ces deux anges ce qui peut séparer une personne de sa compagne, de son épouse. Et ils ne pouvaient faire de tort à quiconque, excepté par la permission d'Allah. Et ils apprenaient ce qui ne leur faisait pas de bien, ce qui n'est pas bénéfique pour eux, mais ce qui leur nuisait, hein, ce qui était nuisible pour eux. Et ils ont su, lorsqu'ils ont appris ça, que celui qui faisait ce commerce ou qui apprenait ce genre de choses, que dans l'au-delà, ils n'allaient avoir aucune part. C'est-à-dire, ils allaient aller en enfer. Ils n'avaient aucune part du paradis. Et donc, ça c'est la preuve que le sorcier c'est un kafir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que la punition pour le sorcier c'est l'exécution, c'est qu'il doit être exécuté dans l'islam. Et c'est rapporté par At-Tirmidhi. Il a dit que la peine pour le sorcier c'est un coup d'épée. Donc il doit être exécuté. Et le cheikh il dit, et il n'est pas la yustatab, c'est-à-dire il n'a pas, on n'a pas à lui demander de se repentir. Il est exécuté sur le champ, hein, bien entendu par le dirigeant, et après avoir été jugé. Ça c'est dans un pays musulman, et il faut qu'il y ait des preuves, hein, c'est pas juste on accuse quelqu'un, ah lui c'est un sorcier ou une sorcière et puis ça y est on le prend puis on le tue. Non, c'est pas comme ça, hein. Il faut qu'on ait des preuves, des témoins ou bien des gens qui des preuves qu'on trouve chez la personne qui justifie et qui supporte que la personne effectivement avait un rapport avec la sorcellerie. Donc le cheikh il dit fahu yuqtalu, donc il doit être exécuté, il ne sera pas demandé de se repentir. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu avait envoyé un message à son époque lorsqu'il était khalifa, tuer tout sorcier et sorcière. Et Hafsa, la fille de Omar, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle avait tué une de ses servantes qui était une sorcière et qui l'avait ensorcelée. Et Jundub ibn Ka'b avait exécuté également un sorcier qui apparaissait devant les gens et il faisait semblant de montrer comme s'il montrait aux gens comme s'il coupait la tête de quelqu'un, puis il la recollait puis il montrait qu'il le faisait revivre. Comme les sorciers qui montrent des fois qu'ils coupent une personne en deux et puis ils la recollent, puis la personne elle revient. Donc ça c'est bien entendu des tours que les gens jouent avec les, il y en a des trucs visuels ou comment ils c'est-à-dire ils trompent les yeux des gens. Et donc Jundub, quand il a vu ça, il a pris son épée puis il lui a coupé la tête, hein, il l'a tué. Et il a dit, voyez maintenant si il est véridique, est-ce qu'il sera capable de se faire revivre lui-même? Et donc, Allah a annulé ou détruit sa sorcellerie ou sa magie à ce moment-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 69, dans Surah Taha, il dit, ils n'ont fait que des ruses de sorciers, et le sorcier, peu importe d'où, par où il vient, il n'a pas le succès. وكذلك الذي يرى أن سع أنه يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما عليه غلاة الصوفية فهم يقولون لا حاجة بنا إلى الرسول فالرسول للعوام ونحن عرفنا الله نحن خواص فنصل إلى الله بدون محمد والواقع أنهم وصلوا إلى الشيطان وليس إلى الله سبحانه وتعالى ويقولون للمسلمين إنكم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت بزعمهم أنهم وصلوا إلى الله وأنهم يأخذون دينهم عن الله مباشرة فكل من زعم هذا فهو كافر. Donc le cheikh il dit que de même que la personne qui pense que c'est permis pour elle de sortir de la charia et qu'elle n'a plus besoin de se soumettre aux règles de la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme certains extrémistes parmi les soufis qui disent on n'a aucun besoin d'un messager. Le messager c'est pour les gens du commun. Nous sommes des gens qui ont connu Allah, nous avons connu Allah, nous sommes les élites, et nous sommes arrivés à Allah sans Mohammed. Donc la réalité, le cheikh il dit que c'est ils sont pas arrivés à Allah, ils sont arrivés au shaitan. Et ils disent aux musulmans, vous prenez votre religion d'un mort selon un mort. C'est-à-dire quand vous rapportez le hadith, vous prenez votre religion d'un mort à un mort. Tandis que nous, on prend notre religion d'Allah directement. Parce que nous, quand on prend notre religion dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith du prophète, il est rapporté avec une chaîne de transmission. Et donc, on rapporte le hadith, un tel a rapporté d'un tel, et ces gens-là, en général, les rapporteurs du hadith aujourd'hui ne sont pas vivants. Donc, eux, les soufis, ils disent, vous prenez votre religion des morts, tandis que nous, on prend notre religion des vivants. C'est-à-dire du vivant, c'est-à-dire d'Allah. On la prend directement de Dieu, notre religion. Pas besoin d'intermédiaire ou pas besoin de prophète. Et le cheikh il dit, وَأَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ دِينَهُمْ عَنِ اللَّهِ مُبَشَرَةً فَكُلُّ مَنْ زَعَمَ هَذَا. Donc toute personne qui pense ça, il est mécréant. Il est kafir, il n'est pas musulman. Et ça c'est la croyance qu'on retrouve chez beaucoup d'entre les soufis. C'est ça leur aqida. Ils croient que leur saint ou leur chouyouch, ils ont une connaissance directe d'Allah, pas besoin de prophète, pas besoin de livre, pas besoin de Coran, tout ça c'est pas nécessaire pour eux. Ils se prennent pour même mieux, plus haut que les, ils pensent qu'ils sont même plus haut que les prophètes. نعم. قال فالله سبحانه وتعالى لا يوصل إليه إلا من طريق الرسل لا سيما خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il dit qu'on ne peut pas arriver à Allah excepté par la voie des messagers d'Allah, et en particulier le dernier d'entre eux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. اي نعم. وقال تعالى فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم فان لم يستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم فقد اتبعوا اهواءهم فان لم يستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم فقد اتبعوا اهواءهم. قال تعالى ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا معنى شهاده ان محمدا رسول الله طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وان لا يعبد الله إلا بما شرع. وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم يمت أو ثم لا يؤمن بالذي ثم يمت ولا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار أو إلا كان من أصحاب النار وإن كانوا يزعمون أنهم على دين موسى أو عيسى أو غيرهم من الأنبياء لأن موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام يوصون باتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى عن عيسى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أيضا بعد بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أمر العالم كله باتباعه صلى الله عليه وسلم، لأن دينه نسخ الأديان السابقة، فهو رسول للعالم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالذي لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وكتابه لا يؤمن بموسى ولا عيسى ولا بنبي من الأنبياء ولا بكتبهم. والذي يكفر بنبي واحد يكفر بجميع الأنبياء، لأن الأنبياء طريقهم واحد، يبشر أولهم بآخرهم ويتبع آخرهم أولهم عليهم الصلاة والسلام. Donc le cheikh il continue, hein, et juste avant de continuer cette explication, qu'on peut inclure également parmi ceux qui pensent qu'il est permis de sortir de la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toute personne qui se dit musulman, puis qui par exemple accepte la laïcité, ou accepte la démocratie, ou accepte yani les lois faites par l'homme et les place au-dessus de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute cette catégorie-là font partie de ceux qui ont quitté la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou qui pensent que c'est permis de sortir de la charia de Muhammad, parce que la démocratie c'est basé sur l'idée que les hommes font leurs propres lois et qu'ils légifèrent par eux-mêmes et qu'ils rendent légal ou illégal ce qu'ils veulent selon la majorité, et qu'ils se permettent donc de légiférer à la place de la révélation. Donc ça c'est une forme de coffre en soi, et c'est la base de la démocratie, de croire que l'homme doit doit être son propre souverain, et que les êtres humains doivent se diriger eux-mêmes et déterminer qu'est-ce qui est légal ou illégal par eux-mêmes, selon leur propre opinion ou autre, sans se référer à la révélation divine. Donc ça c'est le système démocratique, c'est ça le coffre. Et la laïcité c'est la même chose, de dire que chaque personne peut croire en ce qu'il veut. Il n'y a pas une croyance qui est vraie par rapport à une autre, et que en ce qui concerne les lois civiles qui doivent gérer les hommes, eh bien ça doit être quelque chose qui est complètement séparé de la religion, et ça doit être basé sur la démocratie ou sur un autre système parmi les systèmes des koufars, et que c'est eux qui déterminent qu'est-ce qui est bon et mauvais, et pas la révélation d'Allah. Donc ça c'est la preuve que celui qui pense que ces systèmes-là, comme la laïcité, la démocratie ou autre, que ça c'est correct, et que quelqu'un peut être musulman et accepter ces choses-là en même temps, ça veut dire qu'en réalité il n'est pas musulman, il est kafir, parce qu'il se permet de sortir de la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il mentionne les versets qui prouvent qu'il est obligatoire de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il mentionne le verset 31 dans sourate Al Imran, dit: si vous aimez Allah alors suivez-moi. C'est-à-dire Allah il dit au prophète, dit aux gens: si vous aimez Allah alors suivez-moi, Allah va vous aimer et vous pardonner vos péchés, et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 65 dans sourate An-Nisa: non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'aient pris comme juge dans toutes leurs disputes entre eux, et dans tous leurs désaccords entre eux. et qu'ils n'auront trouvé en eux-mêmes aucun inconfort, qu'ils n'aient trouvé en eux-mêmes aucun malaise de ce que tu auras jugé ou déterminé ou décrété, et qu'ils s'y soumettent en toute soumission. Et il mentionne le verset 50 dans sourate Al-Qasas, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et sache que, et s'ils ne te répondent pas, ne répondent pas à ton appel, lorsque tu les appelles au tawhid et tout, et à la foi, alors sache que c'est parce qu'ils ne font que suivre leur passion. Hein, donc s'ils ne répondent pas aux messagers, c'est parce qu'ils suivent leur passion. Et yani le verset 50 dans sourate Al-Qasas. Donc quand on dit qu'ils suivent leur passion, ça veut dire que peut-être que ce sont des gens peut-être qui connaissent la vérité, ils savent la vérité, mais ils préfèrent suivre leur passion, hein, malgré la connaissance qu'ils ont. Le verset 50 dans sourate Al-Qasas: et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans guidance venant d'Allah, et Allah ne guide pas les peuples injustes. Et donc ça, c'est la signification du témoignage de Mohammed Rasulullah, c'est-à-dire que Mohammed est le messager d'Allah. Ça signifie de lui obéir dans ce qu'il ordonne, de croire en ce qu'il nous donne comme information, de s'écarter de ce qu'il nous interdit ou de ce qu'il nous déconseille de suivre, et de n'adorer Allah que parce qu'il a légiféré. Donc, il faut suivre son exemple en adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul d'entre les juifs et les chrétiens n'entend parler de moi sans croire en ce que j'ai amené, excepté qu'il sera dans l'enfer. Donc yani toute personne qui croit ou qui pense être sur la religion de Moïse ou sur la religion de Jésus ou un autre d'entre les prophètes, hein, eh bien s'il meurt sans avoir cru en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après avoir entendu parler de lui, alors il sera dans l'enfer pour l'éternité. Parce que Moïse, Moussa alayhi salam, il appelait les gens à croire en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De même que le prophète Jésus, la même chose. Hein, Jésus, fils de Marie, la même chose. Et dans le verset 6, dans surat As-Saff, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: et lorsque Jésus, fils de Marie, dit: ô fils d'Israël, je suis un messager de Dieu pour vous, qui confirme ce qui a été révélé auparavant dans la Torah et qui vous annonce la venue d'un messager qui viendra après moi et qui se nomme Ahmad, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque Ahmad fait partie de ses noms. Et également, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui qui est venu donc yannahu aydan ba'd ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à tout le monde de le suivre, et le prophète Isa alayhi salam, c'est le prophète qui va venir après, c'est-à-dire que le prophète Isa alayhi salam, Allah l'a élevé aux cieux. Et avant la fin des temps, Isa, il va descendre encore une fois pour terminer sa vie. Et au moment où il va redescendre, il va suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il sera parmi les musulmans. Et la raison pourquoi il va être sur la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce que l'islam vient abroger toutes les religions précédentes, c'est-à-dire les lois et les règles révélées par Allah aux autres prophètes. Elles sont abrogées par la loi qui est révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Toutefois, le message qui est le message de base de la foi en un Dieu unique et de l'adoration de Dieu seul, qui est le tawhid, eh bien ça, c'est la même religion pour tous les prophètes, pour tous les messagers. Il n'y a pas de changement là-dedans. Ensuite, le cheikh mentionne le verset 107 dans Surat Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Hein? Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour tout le monde, le monde entier. Dans Surat Al-Furqan, le verset 1, que béni soit celui qui a fait descendre Al-Furqan, le discernement, c'est-à-dire le Coran, sur son serviteur, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Donc il est un avertisseur pour le monde entier. Et le verset 28 dans sourate Saba, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et nous t'avons envoyé comme messager pour tous les hommes, kaffatan linnas. Et également le verset 158 dans sourate Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ô Muhammad, ô vous les gens, je suis pour vous le messager d'Allah. Je suis pour vous tous le messager d'Allah, celui à qui appartient le royaume des cieux et de la terre. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Il fait vivre et il fait mourir. Alors croyez en Allah et en son prophète illettré. Celui qui croit en Allah et en sa parole, et suivez-le pour que vous soyez bien guidés. Donc le cheikh il dit فَالَّذِي لَا يُؤْمِنُ. Donc celui qui ne croit pas en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en son livre, c'est-à-dire en le livre qu'il a ramené et en sa sunna, alors il n'a pas cru en Moïse, il n'a pas cru en Jésus, parce que en fait il n'a pas cru en aucun d'entre les prophètes et en aucun d'entre les livres révélés précédemment, parce que celui qui rejette la foi en un seul prophète, c'est comme s'il avait rejeté la foi en tous les prophètes, parce que la voix des prophètes est une seule voix unique, et le premier d'entre eux annonce le dernier d'entre eux, et ils se suivent tous, les uns les autres, que la paix d'Allah soit sur eux. Inna alladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 151 dans sourate An-Nisa, ceux qui ont rejeté la foi en Allah et en son messager et qui veulent faire une distinction entre la foi en Allah et la foi en ses messagers, et qui disent nous croyons en certains d'entre eux et nous rejetons certains d'entre eux, et ils veulent prendre une voie entre ces deux-là, ceux-là sont les vrais mécréants. Donc ça c'est la preuve que celui qui rejette un, il rejette tous. Et le cheikh il dit الفتن عظيمة ولا ينجو منها إلا من سلمه الله وعلى الإنسان اليوم أن يخاف من الزير فما دام على قيد الحياة فإنه عرضة للزيغ والفتن فالراسخون في العلم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا مع أنهم راسخون في العلم ولن ينجو المسلم من الفتن إلا إذا تعلم أحكام الدين وعقلها وعرفها وتعلم ما يضاد الدين من أنواع الشرك والكفر والردة والنفاق وتجنبها ثم يسأل الله الثبات مهما بلغ من العلم والعبادة والمعرفة فهذه هي النجاة. قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحبل الله هو القرآن فلا نجاة من الفتن إلا بالاعتصام بالقرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقال أيضا إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc, le cheikh, il termine cette conférence en disant que le nombre des fitanes, elles sont nombreuses et peu de gens arrivent à s'en sauver excepté celui que Allah a épargné. Et l'homme aujourd'hui donc doit craindre de tomber dans la déviation. Et tant qu'il est sur la vie, c'est-à-dire tant qu'il est en vie, il est susceptible d'être dévié par les épreuves et de tomber dans des fitanes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que les gens qui sont fermement enracinés dans la science, ils disent, ô notre Seigneur, ne laisse pas dévier notre cœur après nous avoir guidés. Verset 8 dans Surat Al-Imran. Donc, malgré qu'ils sont fermement enracinés dans la science, eh bien, malgré ça, le musulman, il n'est pas épargné et sauvé de l'épreuve et de la tentation. Excepté s'il a appris les règles de la religion, et qu'il les a bien compris et connues, et qu'il a appris ce qui oppose la religion, des différentes formes de shirk, des différentes formes de kufr, des différentes formes de ridda, d'apostasie, ou d'hypocrisie, de nifaq, et qu'ils s'en écartent, puis ils demandent après ça à Allah de leur affermir, hein, peu importe ce qu'il a atteint comme niveau de science, ou d'adoration, ou de connaissance, hein, donc ça c'est la voie pour le salut. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et accrochez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Verset 103 dans Surat Al-Imran. Et le câble d'Allah c'est le Coran et la Sunna. Donc le Cheikh il dit c'est le Coran ici, donc c'est la voie du salut de toutes les différentes épreuves, hein, excepté si tu t'accroches au Coran et à la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, tu ne pourras pas être épargné des fitnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, comme on l'a lu déjà préalablement, le Cheikh il a dit, accrochez-vous à ma Sunna et à la Sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Et il disait également, je vous laisse deux choses. Vous n'allez jamais vous égarer tant que vous restez accroché à celle-ci, c'est le livre d'Allah et ma Sunna. Et il dit paix et salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et ses compagnons. Donc c'est ce qui vient conclure la conférence en question du Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et donc, alhamdulillah, d'avoir complété cette risala ensemble et de l'avoir comprise, inshallah, et de l'appliquer. Donc on va arrêter ici, puis on se retrouvera demain, inshallah, pour notre cours habituel sur Al-Wala wal-Bara. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.